Énergie. Bonjour, bonjour, il est 6h, c'est le réveil du roi qui démarre. Bienvenue tout le monde, merci d'être là. On est là. Forme. Ah, disons qu'il y a toute l'équipe qui est là. Il y a Jérém du Standard. Hello. Aurélie Larédac. Coucou. Le commandant. Bonjour. Very nice. Hello. Comment ça va? En pleine forme. Et toi, comment ça va? Moi, ça va. En pleine forme? Mais oui, ça va. Super. Bon, j'espère que tout va bien pour vous. Vous avez bien dormi. Oui. Oh, il y a des petits yeux. Oh, oh là là. Ah, enfin. Bon, c'est pas grave, on va se consoler avec la météo. Ah oui, je vais me faire des amis moi aujourd'hui, puisque c'est le retour du beau temps. Génial. Bon, attention, il y a quand même du brouillard par endroits ce matin, mais sinon aujourd'hui, entre 21 et 25 degrés. Oh, ah bah, ouais. Super. Ça va, parce que on n'a pas la canicule de la semaine passée. Non. Il fait beau, et c'est, ça va être chouette quoi. Ouais. Non, parce que quand il y a canicule, on dit ça le temps pour les gros, hein. Qu'est-ce qu'il y a, Jérém du Standard? Parce que t'avais beaucoup d'auréoles, tu veux dire. Ouais, ça va. Non, t'as mis une chemise noire aujourd'hui, ça va. Ouais, ça va avec une chemise noire. Ça et passe. Toi, t'as mis un truc transparent, par contre. Oh, ah, la vache, va. T'as vu... Non, mais t'as vu... Attends, Aurélie. Quoi? Aurélie de la rédac, t'as vu Bérénice, c'est transparent à mort. Non. Mais c'est si, bleu. C'est transparent à mort. De quoi? On va mettre la robe de Bérénice, on va faire une photo de Bérénice, on met ça sur le Facebook de l'émission, la page de Réveil du Roi, vous direz ce que vous en pensez. On va parler de quoi tout à l'heure? Eh bien, nous allons parler des expressions belges. Ah, oufti. Elle en connaît quelques-unes déjà, hein, parce que j'en ai déjà appris par exemple. Oufti. Oui, ou alors pas mettre toutes ses frites dans le même panier? Dans le même satchel. Mais c'est presque ça, on peut l'appeler. Ouais, généralement, on ne met pas les frites dans un panier. Voilà. On le met dans un sachet. Oui, c'est vrai. Moi, je les mets dans ma bouche directement. Ouais, directement. Ouais. Donc, tu passes de l'huile de frites à rap là, directement. Direct. Elle a goûté les frites hein, ce week-end chez moi. Il y avait frites côte mobile, il y avait glacier, etc. On va vous poster aussi la vidéo sur le Facebook de l'émission, la page Le Réveil du Roi. La vidéo est sortie, tu l'as vue? Oui, elle est géniale. Ah, c'est top, hein. Ouais. C'est top. Il y avait Rizza, il y avait Vita. Il y avait surtout les auditeurs qui étaient là. Et puis alors, 10 fois votre salaire à gagner dans moins de 10 minutes, Jennifer Lopez et James Morrison. C'est dans un instant sur Énergie. Bon réveil. I ain't gonna be cooking all day. I ain't your mama. I ain't gonna do your laundry. I ain't your mama. I ain't your mama. Boy, I ain't your mama. When you gonna get your act together? I ain't your mama. No, I ain't your mama, no. To work on time. Oh yeah, yeah, yeah. No more playing video games. Oh yeah, yeah, yeah. Things are about to change. Round here, round here. We used to be crazy in love. Can we go back to how it was? When did you get too comfortable? 'Cause I'm too good for that. I'm too good for that. Just remember that. Go back to how it was. When did you get Eh bien, on va se diriger vers le service comptabilité d'énergie. Ah oui, ah, d'accord. Oui, parce que ils vont devoir débourser un petit peu d'argent. 10 fois votre salaire, les amis, c'est ce que vous allez avoir l'occasion de gagner. Ça vous intéresse? Oui, oui. Ça vous intéresse? Oui, oui. Bah, évidemment. Alors, comment tu peux jouer, Bérénice? Tu peux? Non, tu peux pas jouer. Ah, d'accord. Hein. Ah non, tu peux pas jouer. Okay. C'est pour les auditeurs. Maintenant, ah, d'accord. Et t'as choisi. Oui, c'est vrai. Alors, qui fait quoi? Alors, vous envoyez tout simplement un SMS au 78. Hein. Vous envoyez le code salaire, S-A-L-A-I-R-E, hein, pour ceux qui ne savent pas l'écrire. Et c'est 1 euro par SMS envoyé et reçu. C'était quoi qui est parti, là? Quoi? J'ai entendu un petit... J'ai un du standard qui est tombé. marcher sur une peau de banane. Oh, le pauvre. Oui, le pauvre. Il est con. Mort. Bon, vous voulez gagner ça, donc vous envoyez le salaire par SMS au 78, 1 euro par SMS envoyé reçu. Hier, c'était Benoît qui s'est sélectionné. Et Benoît s'est sélectionné pour la finale. C'est vrai? Ah bah oui. Tu déconnes, tous les jours, il y a un sélectionné? Ah bah oui. C'est important. Avant 10h? Oui. Avant 10h. Bon, avant 10h, c'est vous qu'on appelle. Hier, il y avait la recette pour les nuls de Bérénice. Vous avez loupé ça? Eh ben tant pis. Alors cette semaine, comme c'est la rentrée, qui dit rentrée dit... Tartine. Pâte à tartiner, c'est ça. Pâte à tartiner. Et oui, on se plaint toujours que les pâtes à tartiner industrielles sont trop ci, trop ça, quand pas bonnes pour la santé. Quand tu parles de chocolat, Nutella, quoi. Voilà. Ouais. On peut en faire différentes sortes après. Il y en a au carambar, il y en a au chamallow. Moi, j'ai testé un peu une qui se rapproche du Nutella. Ouais. Donc, j'ai pris du chocolat au lait. Tu peux avoir du chocolat noir, mais voilà, chocolat au lait, 200 grammes. J'ai pris de la pâte de noisette, 135 grammes, du lait concentré, 150 grammes, et de l'huile de noisette. Mais est-ce qu'il y a de l'huile de palme dedans? Non, il n'y a que de l'huile de noisette, monsieur. Voilà, je vais te faire goûter en direct. Tiens, ouais, j'ai ramené le pot. Désolé, il n'y en a pas beaucoup parce que j'ai tout mangé. Ah, c'est ça qui sent depuis tout à l'heure? Alors, tu vas me dire ce que t'en penses. Elle est sortie du frigo. Normalement, c'est mieux de la laisser en frigo. Elle est un peu plus consistante. Je suis vraiment obligée de goûter. Oui, franchement, elle est super bonne. Ouais, mais comment ça se fait que c'est pas... Parce que je l'ai sortie. Elle était là au chaud, alors c'est un peu fondu. Super. Mais j'aurais dû la mettre dans le frigo ce matin en arrivant. C'est bon ou pas? Ah bah c'est bien dégueulasse. Non. Franchement. Bah goûte toi. Bah, moi j'ai vu la recette. J'ai assisté à la recette. Il était là le commandant. Il a goûté. Le pot était rempli quoi, Olivier. Ouais. T'as bien fait tout le pot. Que 10 grammes. Mais tu les mets où? Non franchement c'est pas mauvais. Fais gaffe commandant parce que tu t'en fous sur toi. C'est pas possible. J'ai toujours la poisse avec tout ce qui est liquide. Je dois toujours m'en mettre plein la tronche et le vêtement. Non mais comment tu trouves alors? J'aime bien. Ah mais c'est pas mauvais. Non franchement je te jure c'est pas mauvais. Très très simple à faire. Alors il y a juste un temps à mettre au frigo à respecter. Il faut mettre minimum 3 heures au frigo pour bien que ça se solidifie. Mais allez voir la recette sur la page Facebook du Réveil du Roi. Je vous ai mis tous les ingrédients, c'est très facile. Il faut juste mélanger tout ça et c'est très très simple. Ah bah c'est cool pour faire sa pâte à tartiner soi-même, ça peut être sympa. 6h, 10h, le Réveil du Roi sur Énergie. I follow. Mountain high and river low. I follow. C'est Lost Frequency, c'est le dernier. C'est bon, t'aimes bien? Ah, moi j'adore. C'est du belge. T'as vu ce qu'on fait en Belgique? Ah, c'est pire que les frites, hein. Mieux que les frites. Pire que les frites. Bon, dans un instant, Ken Jones, c'est ce qu'on va retrouver sur Énergie. On ouvrira la ligne également dans un instant, le retour de la ligne ouverte. Et pour fêter ça, on vous a mis un numéro gratuit. Yes. On en reparle dans un instant sur Énergie. Voici l'horoscope de Serge Ducas avec Bérénice. Alors les Vierges, vous êtes prêts à saisir toutes les opportunités professionnelles aujourd'hui qui se présentent à vous. Les Balances, votre gentillesse et votre générosité font mouche. Les Scorpions, ne vous braquez pas si vous êtes en désaccord avec un supérieur. Attention, hein, les Scorpions. Les Sagittaires, il faut rompre avec certaines habitudes qui ne correspondent plus à vos attentes. Les Capricornes, attention, n'en faites pas trop. Levez le pied avant de basculer dans l'excès. Le stress est palpable pour vous, les Verseaux, dans votre foyer et la moindre discussion embrase les esprits. Les Poissons, vous avez beaucoup de mal à fixer votre attention. T'as pas une tapette à mouche, là? Les Béliers, une fois n'est pas tout coutume, vous manquez d'aplomb pour vous imposer au travail. Les Taureaux, une réorganisation de dernière minute vous oblige à changer tous vos plans. Les Gémeaux, certaines situations vous paraissent tellement injustes que vous n'hésitez pas à les dénoncer. Attends, excuse-moi, elle est là, attends. Attends, vas-y. Et voilà. Ah, on sent mieux là, hein. Un climat chaleureux pour vous, les Cancers, et sensuel règne dans votre vie amoureuse. Et enfin, les Lions, en couple, vous mettez un projet commun. Merci, sur pied, merci, pardon. Merci, Machicoré. De rien. Monsieur là, François, la pincule, les mouches. Quoi? Oh, c'est horrible. C'est quoi? Non, c'est un Canadien dans une série. J'ai pris ça au hasard et je suis désolé. Il est arrivé sur mouche et il a dit j'en cule petite les boulette. Mouches. Écoutez, attends, je la remets. Oui. Là, François, la pincule, les mouches. Chez Baze, l'iPhone 6S est à un prix tellement avantageux que vous oubliez parfois de l'apprécier à sa juste valeur. Je crois que je suis le smartphone le plus traumatisé de la Terre. Hier, on était sur la plage et en une fois, elle met son doigt tout gras, plein de crème solaire, en plein sur mon écran. Et ça fait glisser des photos. Oh, je me suis vraiment senti sali. Baze vous fait tourner la tête. Maintenant, 150€ de réduction sur l'iPhone 6S à partir d'un abonnement Baze 30 Smart. Infos et conditions sur baze.be. Go Mobile. Baze. Dans un monde qui change, vos achats online ne vont pas attendre la carte de... Papa? Oui? Je peux prendre ta carte? Non. Vous avez entre 18 et 28 ans? Découvrez notre offre Hello4You gratuite avec une carte prépayée pour vos achats online. Plus d'infos sur notre site ou dans l'agence la plus proche. BNP Paribas Fortis, la banque d'un monde qui change. Hé, hey, c'est encore moi, Hip! J'ai entendu tout ce dont vous avez besoin pour la rentrée. Ça fait hyper beaucoup! Heureusement, dans votre hypermarché Carrefour, vous trouvez les meilleurs prix garantis sur des centaines de fournitures scolaires. Et si vous trouvez moins cher ailleurs, bam! On vous rembourse 5 fois la différence. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin. Chérie, t'as pas vu mon vieux jeans? Bah si, je l'ai amené chez Poincaré. Ils vont le donner au petit rien. Et moi, j'ai eu 15€ de réduction sur mon nouveau jeans. Rapportez votre vieux jeans chez Poincaré et recevez 15€ de réduction à l'achat d'un neuf parmi les marques Tom Taylor, Esprit, Only, Street One, Jack & Jones, G-Star, PP ou encore Essoliver. Info sur poincaré.eu. Je pars en voyage, mon âme au vent, le cœur éléphant. Je suis parti d'ici pour rencontrer la vie, être vivant énormément. Sous les épaules des géants, le cœur éléphant. Voir au-delà de nos vies. Sur un rocher, se laisser aller à pas de géant, le cœur éléphant. On prendra notre temps pour découvrir la vie, aimer les gens énormément. Le cœur léger.

Alors les gaufres. Les gaufres, mais les boulets liés, t'as déjà goûté ou pas? La viande là. Ouais. Mais moi je suis pas très viande. Ouais, c'est ça, tu vas quand même aller goûter les boulets liés. C'est vrai. Ah ouais, oui. Je suis pas très viande, qu'elle dit. Elle a bouffé 6 hamburgers. Ouais, mais c'était une exception. Oui, c'était une exception, mais elle est pas très viande. Qu'est-ce qu'il y a? C'est vrai. Non, mais je peux pas avoir deux gaufres à la place d'une gaufre et une boulette. Eh ben tu sais, non, mais attends, tu sais qu'à Liège, on dit les boulets de Liège. Hein. Alors, les on boulets. Dit pas les boulettes. Ah, pardon, les boulets de Liège. Non, de Liège. Les boulets de Liège. Voilà, les boulets super, de Liège. Hein. Super. Super. Hein. Bon, alors, écoute, je te l'amène à Liège, Cédric, pour venir goûter les boulets très prochainement, d'accord? Ça va, pas de soucis. Salut merci. Cédric, à bientôt. Ciao. 0800 2 3 4 5 6, vous nous appelez, vous arrivez à l'antenne, c'est un numéro gratuit. On s'est dit que vu que ça avait bien marché l'année passée, on allait vous mettre un numéro gratos et vous arrivez à l'antenne, vous dites ce que vous voulez. Allô, qui est là? Bonjour. Allô. Allô. Allô. Allô. Allô. Oui, Bernice, c'est moi. Comment... Ça va? Allô. Oui, mais qu'est-ce que tu fais là? Quel est ton prénom? Quel est ton prénom? Il n'ose pas parler. Ah mais non, mais il n'y a plus rien. Bon, bah tant allô pis. Ah bah voilà, ah, ça y est. Comment tu t'appelles? C'est moi, Raphaël. Raphaël, dis vite ton message, Raphaël. Voilà, d'abord, un bonjour à tout le monde. Et je voudrais aussi souhaiter bon courage à tous ceux qui se lèvent ce matin pour aller travailler. Ah, c'est bah, gentil. Voilà, on t'embrasse, en tout cas. Voici Charlie merci. Puth et merci. Selena Gomez sur Énergie. Bon réveil, 6h27. I overdosed, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame. But we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? We don't talk anymore like we used to do. Like me, it must be a good reason that you're gone. Every now and then I think you might want me to come show up at your door, but I'm just too afraid that I'll be wrong. Don't wanna know if you're looking into her eyes, if she's holding on to you so tight the way I did before. I overdosed, should've known your love was a game. Now I can't get you out. Oh, it's such a shame. But we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? We don't talk anymore like we used to. Dress you're wearing tonight. If he's giving it to you just right, the way I did before. I overdosed, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my frame. Oh, it's such a shame that we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore. Dans quelques minutes. Ah, l'occasion peut-être pour vous d'aller à Dubaï. De pas, on verra. On parlera tout à l'heure. Il y a la Happy Birthday qui débarque. On a 10 fois votre salaire à vous offrir. Ah, que de belles choses sur Energy Hit Music Only. Il est 6h30, voici l'info sur Énergie. J'ai pas dit l'info, j'ai dit l'info. Avec Aurélie de la rédaction, Aurélie Adam, bonjour. Bonjour, bonjour Olivier, bonjour Bérénice. Première réunion de la rentrée pour le groupe des 10. Hier, patrons et syndicats ont repris leur discussion à propos de la réforme du marché du travail. Une réforme imaginée par le ministre de l'économie, Chris Peeters. Pour l'instant, aucun accord n'a été trouvé. Une nouvelle réunion est prévue aujourd'hui. L'enquête se poursuit après l'incendie survenu hier à l'Institut National de Criminologie à Neder-Overenbeek. Les 5 suspects interpellés ont tous été relâchés après leur audition. Pour l'instant, le parquet de Bruxelles ne parle pas de pistes terroristes. Il pense davantage au grand banditisme. C'est la journée internationale des personnes disparues. L'année dernière, la cellule des personnes disparues, la police fédérale, a ouvert près de 1200 dossiers, des dossiers qui concernent autant de mineurs que de majeurs. Dans 97% des cas, les personnes disparues sont retrouvées. Rappelons que la cellule des personnes disparues intervient uniquement dans le cas de disparition inquiétante. Nouvelle journée de deuil national en Italie. Les drapeaux seront en berne ce mardi à l'occasion des funérailles de certaines victimes du tremblement de terre survenu la semaine dernière. Un séisme qui a fait 290 morts dans le centre du pays. On passe au sport en tennis. Elise Mertens et Alison Van Uytvanck ont été éliminées au premier tour de l'US Open hier. De son côté, Steve Darcy s'est qualifié pour le deuxième tour après avoir perdu les deux premiers sets. Le Belge a battu l'Australien Thompson en 5-7 au bout de plus de 4 heures de match. Au tour suivant, Darcy affrontera l'Américain Isner. Aujourd'hui, 3 Belges entrent en lice. Kirsten Flipken s'affronte la Roumaine Alep. Yanina Wickmayer jouera face à l'Allemande Goerges. Et puis David Goffin sera opposé à l'Américain Donaldson. Et alors aujourd'hui, est-ce qu'il fait beau ou il fait pas beau? Ah, il va faire très beau aujourd'hui, un temps sec, ensoleillé avec des températures comprises entre 21 et 25 degrés. Cool. Quand il fait beau, le temps, je le fais rentrer par mes magnifiques châssis Bellisol. Et quand il fait vraiment beau, il peut même entrer par ma sublime porte Bellisol. Bellisol. Buns, buns, dun, dun. Bet you wanna taste it, bun, bun. Bet you wanna taste it. Get your chitty, dun, dun, dun. Bun, bun. Heaven is buns, buns, bun, dun, dun. Bet you wanna taste it, bun, bun. Bet you wanna taste it. Get your chitty, dun, dun, dun. Ufti, quelle nouvelle Alice! 10 fois votre salaire. Ça veut dire quoi? Ouftiki nouvelle alic? Ça veut dire purée, ouais, machin. C'est ça. On va voir les expressions belges, on va faire un petit peu la leçon à Bérénice puisque c'est pratiquement la rentrée. Donc on va parler belge dans un instant et on parlera belge avec vous également. Avant ça, je vous rappelle qu'il y a 10 fois votre salaire à gagner. Et vous envoyez simplement salaire au 78, hein, 1 euro par SMS envoyé et reçu. Et vous multipliez par 10 pardon, votre salaire, donc 1 zéro après le montant de votre salaire. C'est juste incroyable. Pour la rentrée, c'est pratique quand même. Hein. Ouais, à fond. Si vous voulez repartir avec ça, on appelle un sélectionné avant 10h. Le grand gagnant sera appelé vendredi 16 septembre à 7h45 pour jouer. C'est précis. Oui, vous envoyez salaire par SMS au 78, c'est 1 euro par SMS envoyé reçu. Bérénice, oui. Les expressions belges. Oui. D'accord. Je vais te donner... Alors Jérôme va nous donner des expressions dans un instant. Avant ça, GSM, comment ça se dit? C'est quoi un GSM? Alors c'est un téléphone portable. D'accord. Ça, une couque. Un ustensile de cuisine. Non, pas du tout. C'est un truc... qui se mange. Bah oui, c'est un truc qui se mange, c'est un croissant. C'est vraiment dégoûtant. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un pain au chocolat. Non, ouais, c'est tout type de viennoiserie, quoi. Ouais. Un filet américain. C'est un panier. Non, pas du tout, c'est un filet de pêche. Ah bah oui. Ah bah oui, mais américain. Mais non, pas du tout, un filet américain, c'est quoi, tu sais pas? Non. Ah, c'est pas vrai. C'est quoi un filet américain, Aurélie de la rédac? C'est la viande hachée crue, là. Mais oui, c'est un steak tartare, en fait. Voilà. Un frisco, c'est quoi un frisco? C'est celui qui était avant, l'année dernière, au standard. C'est un glace sur un bâtonnet, en fait, un frisco. Ah, bah alors, pourquoi ça bah, il s'appelle comme ça. Oh, je me fous pas de toi, je suis désolé. J'en peux plus. Je comprends pas tout, moi aussi. Attends, une rabouette. C'est un petit peu. Oui. Une rabouette de café. Bien. Bravo. Ça, je sais. Bravo. Un pistolet. C'est le pistolet d'un monsieur. C'est-à-dire? Voilà. Vas-y, Gouigoui? Oui. Non, pas du tout. Je vais te manger ton pistolet. On peut le dire. C'est un sandwich. Ah bah dis donc. Voilà, Jérôme du standard, quelques phrases belges. Asnez amfi. Oui. Oulala. Tu peux répéter? Asnez amfi. Ça va ou quoi? Bah presque. Ouais. C'est à ton aise ma fille, c'est ça veut dire. Presque. Deuxième phrase. Non mais aujourd'hui, si tu peux les donner aujourd'hui, Jérôme. Umgarti, ça va aller? T'as l'air bizarre, ça va aller? Non. Ça veut dire? Umgarti, c'est? Umgarti. Je le dis bien. Ça veut dire? Je sais pas. C'est comme ma fille, de nouveau, c'est des noms fondateurs. Toi, tu veux vraiment être mon père, en fait. La petite dernière, j'arrive après. Vous connaissez l'histoire de cet électricien qui a pété les plombs? Ou celle de ce marchand d'antivol qui s'est fait cambrioler? Ou de cette entreprise d'extincteurs qui a brûlé? Non, c'est normal. Vous avez mieux à faire qu'imaginer le pire pour votre entreprise. Moi, c'est mon métier. Alors, passez me voir et effectuons un check-up de vos assurances professionnelles. J'ai plein de conseils à vous donner, pour maintenant et plus tard. Votre agent d'assurance CBC. Anticipez pour mieux faire avancer les entrepreneurs. CBC, décidez d'avancer. Un smartphone performant, c'est chouette. Sinon... Oh, Caro ! Je viens liker ton dernier commentaire en direct parce que j'arrive plus à le faire avec mon vieux GSM. Mais tu viens quand même de loin. Oui, mais c'est pas grave. Je te laisse, je vais liker la photo de profil de Marie. Ne perdez plus une seconde pour liker. Profitez maintenant chez Orange d'un tout nouveau smartphone 4G à seulement 9 euros avec Dauphin 25 smartphones. Et restez connecté avec le monde. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions sur orange.be. Let's raise our glass, all to 411, National 4, A54. Vous avez le choix, comme chez Cora. Ou chez Cora. Énergie. Infotrafic. Et tout se passe bien sur la route pour le moment, soyez quand même prudents, il y a du brouillard par endroit. Sur énergie et puis moi j'aime bien Tal. Moi à chaque fois qu'on l'a reçue dans l'émission, elle était top. Elle est adorable. À chaque fois qu'elle est venue au Energy Music Tour, au Energy in the Park, etc. Elle était vraiment très très sympa, très cool. Et puis moi je la trouve très jolie. Et puis elle est magnifique. Elle dégage un truc. Elle est très positive. Elle dégage. Tu sais ce que ça veut dire en Belgique? Elles sont mauvaises. Oui. Non, elle dégage quelque chose de positif. C'est ça que je voulais dire. Ah oui, d'accord. Heureusement que tu achèves ta phrase. La Bibers avec Céline qui est là. Bonjour Céline. Bonjour Olivier, bonjour Bérénice. Salut. Comment ça va ma belle? Très très bien, et vous? Mais bien, j'allais te présenter Bérénice. Enchantée. Ben voilà, c'est fait, tu l'écoutes depuis hier? Oui, tous les jours je vous écoute. De toute façon, j'adore votre radio, j'adore ce que vous faites. Ah ben c'est cool. Céline, on appelle qui pour l'Happy Birthday? Geoffrey, mon fiancé. Depuis combien de temps vous connaissez? Ça fait 2 ans qu'on est ensemble. D'accord. Allez, on l'appelle. Merci. 2 ans que vous êtes ensemble. Vous vivez ensemble? Oui. D'accord. Je vais lui dire que je suis amoureux de toi, ça va? Ça va sûrement lui faire plaisir. Oui, sûrement. Sympa pour son ami. Allô? Allô? Geoffrey? Oui. Oui, alors on ne se connaît pas, Geoffrey. Mon prénom est Olivier. Je voulais dire que je suis amoureux de Céline. Allô? Oui, allô? Attendez, je... Oui, on s'entend mal. Allô? Oui. Allô? Oui, allô? Geoffrey? Oui. Oui, bonjour, on ne se connaît pas. Je voulais dire que je suis amoureux de Céline. Vous êtes qui? Olivier, je viens de le dire. Olivier comment? Du Roi. Vous venez d'où? Comment? J'ai pas compris. Vous venez d'où? Ah ben oui, je suis très doux. Je serai très doux avec Céline aussi. Voilà. Allô? Okay. Geoffrey? Ah ben voilà, oh non, le faux. Je voudrais quand même dire qu'il a raccroché en disant OK, Céline. Donc voilà. Là, je crois qu'il est choqué. Comment faire des histoires le jour de son anniversaire, quoi. On va le rappeler s'il décroche plus. S'il décroche plus, on est dans le caca. Hein. S'il décroche plus. Oui. Il est au travail, donc. Ah, Geoffrey, c'est une blague. On est à la radio. C'était pour te souhaiter un bon anniversaire. Merci. Bon anniversaire. Ah, tu nous as fait peur. J'ai cru que tu m'autorisais à aller avec Céline. Non, non. C'est là qu'il dit ouais, c'est vrai. Bah, à 15 barrés. Bon. Non, c'est parce que je suis au boulot là, donc. Ah, d'accord. Ah. Tu bosses dans quel domaine, Geoffrey? En toiture. En toiture, d'accord, couvreur. Céline a un message pour toi pour ton anniversaire. Vas-y, ma belle Céline. Allô, mon amour, ça va? Bah oui. Voilà, je voulais marquer le coup, c'est un très bon anniversaire aujourd'hui. Te dire que voilà, ça fait 2 ans qu'on est ensemble, ça fait 2 ans que je vis un vrai conte de fées avec toi et que je suis fière de toi, de tout ce que tu fais, etc. Voilà, tu te casses le cul tous les jours au travail pour qu'on soit bien. Et voilà, je voulais te remercier et te souhaiter un très très bon anniversaire, mon amour. Bisous. Ben voilà, Geoffrey continue à te casser le cul aujourd'hui, d'accord? D'accord. Et elle nous a dit que vous viviez un vrai conte de fées à la Shrek, elle a dit. Shrek et Fiona. Je plaisante. Je vous taquine. Je vous fais plein de gros bisous. Si vous voulez vous inscrire à la séquence anniversaire et souhaiter un bon anniversaire à quelqu'un, rendez-vous sur energie.be. N'hésitez pas à vous inscrire maintenant pour cette belle séquence qui nous fait pleurer. L'impression d'une vie dans le noir. L'ennui éteint tous nos espoirs, inconscient, une vie illusoire et incapable de voir. Mais tu sais que sans en avoir l'air, tu construis l'histoire, à chacun sa gloire. S'arrêter quelques heures, s'en aller comme un avion qui passe dans ce monde qui nous laisse. Be awake and let my mind be asleep all day. Gonna pack it up, pick it up, be on my way. Cause I'm motivated, dedicated. It's a mind revolution. Love is the solution. No man can escape evolution. So we have to free our minds and find a mission. Some new epic, yeah. I will wait. I will wait. Who's gonna lose your day? So wake up right now. Roi, tout le monde, il est 6h51. Tiens, tout à l'heure, on ouvrira la ligne à nouveau, si vous voulez déjà vous inscrire pour la ligne ouverte tout à l'heure. Ça veut dire que vous passerez à l'antenne pour dire absolument ce que vous voulez. Si vous voulez passer à l'antenne, il y a un numéro, Bernice. Oui, et c'est juste, je tiens à préciser que c'est gratuit. Alors, c'est 0800 23456. Alors, très si simple. Tu tiens à le préciser, précise-le, vas-y. Oui, c'est gratuit. Donc, c'est vous gratuit. Appelez, vous prenez votre GSM, vous ne payez pas. Voilà. 0800 23456. Vous pouvez rajouter un 7 si vous avez envie, mais non. Ça sert, bah si, ça mais sert ça sert rien. Rien. Mais vous pouvez le faire si vous avez envie. Un 8 allez. Aussi. Hein. Non, mais allez, pour rigoler, on fait 0800 23. D'ailleurs, on va essayer. Tiens, allez, je vais essayer tout de suite. On va tomber sur Jérémy. On va tomber sur Jérémy, mais lui dis pas que j'appelle. Hein. D'accord, 0800 23456, je pense qu'il n'entend pas. Je vais m'inscrire. Attends, hop, je mets en haut-parleur. On va voir si ça fonctionne. Hein. Je fais une blague en direct à Jérémy. Je vais faire croire. Attends. Ah, ça marche, ça sonne. Ouais, ça sonne. Et tu payes pas, hein. Ah non, parce que c'est gratuit. Gratuit. C'est gratuit. Ah bah oui. Allô. Il répond pas, il fait quoi? Allô. Allô, je suis bien à la radio. Oui, Olivier, c'est pas moi, tu sais. Allez, vous aussi, vous pouvez appeler 0800 23456. Tout à l'heure à 8h40, on ouvrira la ligne, les amis. Voici Major Lazer, c'est l'énergie et Justin Bieber. Sometimes, you know, what else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. To different places, I will still be patient with you. And I won't, you know, I won't let go. I will still be patient with you. From a rocking boat, I just Instant de bonne humeur. C'est offert par la maison Olivier Duroy dans le réveil du roi sur Énergie. Et je suis pas tout seul, il y a une équipe de fou, il y a Bérénice qui est là. Bonjour Bérénice. Bonjour. Comment ça va Bérénice? C'est quoi cette voix? J'adore. Coucou tout le monde. Comment ça va? Ça va et toi? Oui, bien, bien. Il y a le commandant qui est là, qui est farceur ce matin. Bonjour. Bonjour Jérém du Standard. Salut. Bonjour Aurélie Larédac. Bonjour. Qui nous a annoncé tout à l'heure du bon temps. On est tous là pour vous divertir et puis alors surtout vous offrir 10 fois votre salaire. On en parlera dans quelques instants. La petite Emma débarque et puis il y a Gnage dans la suite des... Le réveil du roi, 6h-10h sur Énergie. Il est tout pile 7h. Et voici les titres à 7h avec Aurélie Adam. Bonjour Aurélie. Bonjour, nos enfants ne sont pas assez bien attachés en voiture. D'après une étude de l'IBSR, un enfant sur 8 n'est pas attaché correctement lors du trajet vers l'école. Première réunion de la rentrée pour le groupe des 10. Hier, patrons et syndicats ont repris leur discussion à propos de la réforme du marché du travail. En sport, en tennis, Elise Mertens et Alison Van Uytvanck ont été éliminés au premier tour de l'US Open hier. De son côté, Steve Darcy s'est qualifié pour le deuxième tour et il a battu l'Australien Thompson en 5-7. Aujourd'hui, trois Belges entrent en lice. Kirsten Flipken s'affronte la Roumaine Alep. Yanina Wickmeyer joue face à l'Allemande Goerges. Et puis, David Goffin sera opposé à l'Américain Donaldson. Et la météo. On a encore du brouillard ce matin, soyez prudents sur la route. Cet après-midi, temps sec et ensoleillé avec des températures comprises entre 21 et 25 degrés. J'adore le soleil, j'adore comme il nous invite à profiter du jardin. Et j'adore surtout comment mes châssis Bellisol gardent bien dehors le bruit infernal de la tondeuse. C'est pas Gnash qui a voulu chanter un peu plus tôt. Si. Tu sors et tu reviens dans 2 minutes, s'il te plaît. C'est gentil. Parce qu'on va parler des expressions belges dans un instant avec vous. 30-18 par SMS. Vous pouvez réagir également donc au 30-18 par SMS, 25 centimes le message. Mais également via le Facebook de l'émission, la page Le Réveil du Roi. On a 10 fois votre salaire à vous offrir. Comment gagner 10 fois son salaire? Eh bien, on envoie juste un SMS au 78. Hein, c'est 1 euro les SMS envoyés et reçus. Et il faut juste mettre le code salaire dedans. C'est aussi simple que ça. Et il y a une personne sélectionnée aujourd'hui. Alors envoyez vite vos SMS avant 10h. Vite. On connaîtra le grand gagnant vendredi 16 septembre à 7h45. Parmi les expressions belges, on en parle donc ce matin. Ça veut dire quoi, avaler par le trou du dimanche? le trou de la serrure. Mais non, avalé par le trou du dimanche. Oh non. T'as déjà avalé par le trou de la serrure, toi. Avalé de travers. Ah. Voilà. Brosser les cours. Les cheveux. Mais non. Les poils. Mais non, les cours. Les cours. Des A, aller en cours. Ah, sécher les cours. Oui, voilà, exactement. Qu'est-ce qu'une carabistouille? Une carabine. Non, pas du tout. Une baliverne. Ah, baliverne, bah, c'est un mensonge. Oui, c'est un mensonge. Foutaise, mais. Oui, une foutaise. Ouais. Et puis, vous êtes nombreux à réagir sur le Facebook de l'émission, la page Le Réveil du Roi. Oui, il y a beaucoup de. Il y a Jérôme qui a envoyé Québé gamin. Québé gamin. Québé gamin. Québé gamin. Ça veut dire. Qu'est-ce que tu fais, gamin? Non, c'est un bon gamin. Québé gamin. Merci, Jérôme Dussanda. Heureusement que tu es là. Il y a une autre réaction. Espèce de gosette. Gossette. Gosette. Ça veut dire? Je sais pas. Moi non plus. Tu ressembles à une gosette aux pommes. Une gosette, c'est un chausson aux pommes. Bah oui. Ben, quand on te dit espèce de gosette, ça veut dire espèce de chausson aux pommes. D'accord. Il y a autre chose. Et oui, on a reçu des SMS. Il y a quelqu'un qui me demande si je sais ce que c'est 90. 90. Oui, je sais. Ça, c'est 90. Oui. Non, oui. C'est 90. Non, non, c'est 90. Non, 90, c'est 90. Se prendre une douffe. Une douche. Une douffe. Bah, une douche. Bah, une couite. Jérôme Dussanda. Alors, j'ai une phrase ici, et c'est plein d'expressions de plusieurs régions différentes. Essaye de deviner, ok. Ok. Nom du Dieu, t'as l'air bien sartchoulé ainsi. C'est pas parce que t'as skété le kicker du café en stubbling qu'il faut faire ta pièce d'iquette, hein. Alors, attends, c'est pas. Alors. Je te donne un quart d'heure. Bon, alors. Mon DJ, bon salut non, DJ. Non, non DJ. Ah, non DJ. Salut DJ. Salut DJ. T'as non, l'air non, bien. Non DJ, non DJ, c'est pas non DJ, ça veut pas dire bonjour DJ. Mais attends, j'étais détraqué okay, moi. Ok, on va la briefer, on revient dans 10 minutes, hein, ok. Feeling used, but I'm still missing you, and I can't see the end of this. Just wanna feel your kiss against my lips, and now all this time is passing by, but I still can't seem to tell you why. It hurts me every time I see you, realize how much I need you. I hate you, I love you, I hate that I love you. Don't want to, but I can't. Put nobody else above you. I hate you, I love you, I hate that I want you. You want her, you need her, and I'll never be her. I miss you when I can't sleep, or right after coffee, or right when I can't eat. I miss you in my front seat. Still got sand in my sweaters from nights we don't remember. Do you miss me like I miss you? Fucked around and got attached to you. Friends can break your heart too. And I'm always tired, but never of you. I hate you, I love you. I hate that I love you. Don't want to, but I can't put nobody else above you. I hate you, I love you. I hate that I want you. You want her, you need her. And I'll never be her. Just miss you on my arm. Wedding bells were just alarms. Caution tape around my heart. You ever wonder what we could have been? You said you wouldn't and you fucking did. Lie to me, lie with me, get your fucking fix. Now all my drinks and all my feelings are all fucking mixed. All alone I watch you watch her. Like she's the only girl you've ever seen. You never did. You don't give a damn about me. Yeah, all alone I watch you watch her. She is the only thing you ever see. How is it you'll never notice that you are slowly killing? But I can't put nobody else above you. I hate you, I love you, I hate that I want want you, you want her, you need her, and I'll never be her. On va jouer au jeu des leftos dans moins de 20 minutes. Comment on fait pour s'inscrire, commandant? On envoie le code KDO au 70 août. Au 70 août. Parce qu'on est encore au mois d'août. Allez, KDO par SMS au 78. Et puis on jouera au jeu des leftos dans quelques minutes. Julien Peretta, c'est la suite des hits sur Énergie. Et là, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, c'est l'arrivée de la petite Emma. Bonjour, ma petite Emma. Coucou. Comment ça va? On voit, ça a pas l'air de lune. Oui. Oui. Mais quand t'ouvres la bouche, ça sent le fromage. Ok. C'est pas gentil, hein. Je me suis brossé les dents pour toi. Tu te brossais les dents, toi, le matin, tous les matins? Bah, non. C'est vrai? Non. Pourquoi tu... Il faut se brosser les dents tous les matins. Je ne peux pas le dire à ma maman. Bon, la petite Emma, elle l'a appelée du côté de Boncel parce que tu recherches? Mon papa. Et comment il s'appelle ton papa? Papa. Allô? Allô? C'est Emma. Oui, qu'est-ce que vous cherchez? Vous voulez quoi? J'aimerais parler à mon papa. Il n'y a pas ton papa ici, Emma. Mais maman, elle a dit que c'est Michel, mon papa. Mais oui, mais il y a plein de Michel. Bah oui, mais c'est Michel qui fait la toiture à Boncel. Oui, et ben il n'y a pas un numéro de téléphone où il peut t'appeler, ton papa? Ben je crois. Mais dis, donne-moi ton téléphone et comme ça, il te rappellera alors. Alors, 2. Oui. Voilà. Oui. C'est juste le 2. Il peut te téléphoner en appelant le 2. Allez. Moi, je veux parler à mon papa. Mais il est à quel âge, ton papa? 3. Oui, c'est ça. Et ta maman, elle a quel âge? Elle a... Attends. 2. Ah oui, c'est ça. Okay. Je sais pas quel âge elle a, maman. Mm-hmm. Oui, oui. Quel âge as-tu, quoi? Moi, j'ai 5 ans. Ah, Emma, okay. Qu'est-ce que tu fais au téléphone? C'est ça, oui, ça va. Passe-moi le téléphone. Allô? Oui? Qui est à l'appareil? Ce n'est pas moi. Vous demandez à votre copine Emma. C'est ma filleule. Ah, ok. Tu cherches ton papa? Qui a 5 ans. Vous habitez où, vous? Moi, j'habite à Boncel. Oui, c'est ça, ok, à Boncel. Je peux avoir votre nom, s'il vous plaît? Ah oui, c'est Duroy, D-U-R-O-Y. Duroy. Oui, Olivier. Je suis l'oncle, Olivier. L'oncle de la petite Emma. Oh, merde. Oui, bah oui. Oh, putain. Ah, qu'est-ce qui met de bonne humeur le matin? Le réveil du roi. Ouais, ouais. Eh ben voilà, voilà. On voulait pas vous faire peur, on voulait simplement vous présenter la petite Emma. Oui, c'est oh, mais vous m'avez fait peur, hein, quand même. Mon fils est à côté, il a flippé. Quel est ton prénom? Moi, c'est Julie. Julie, on t'embrasse, Julie. Ouais, bisous. À bientôt. Et qu'est-ce qui met de bonne humeur le matin? Le réveil du roi, bien sûr. Dans un monde qui change, vos achats online ne vont pas attendre la carte de... Papa, je peux prendre ta carte? Mais dans tes rêves, ma chérie. Vous avez entre 18 et 28 ans? Découvrez notre offre Hello for You gratuite avec une carte prépayée pour vos achats online. Plus d'infos sur notre site ou dans l'agence la plus proche. BNP Paribas Fortis, la banque d'un monde qui change. Il y a des matins... T'as ton cartable? Check. Ta boîte à tartines? Check. Et ton CC Mail? Double check. Qui ne changeront jamais. Oh, t'as tes clés? Check. Ton ordi? Check. Et ton CC Mail? Double check. CC Mail, à savourer à tout moment, en route ou pendant votre pause. Jason Statham est de retour et reprend du service. J'ai attendu trop longtemps pour avoir ma revanche. Pour la sortie au ciné avec Énergie de Mécanique Résurrection, Énergie vous envoie dans la Cité d'Or. La personne que je représente a une offre à vous faire. Chaque mort doit avoir l'air d'un accident. C'est votre spécialité, non? Je ne fais plus ce genre de choses. Cette semaine, écoutez Marco et Wendy entre 16 et 19h et plongez dans l'univers du film à Dubaï. Énergie vous offre vos tickets de ciné, le transport en avion depuis Bruxelles et vos 4 nuits à Dubaï dans un hôtel 4 étoiles. J'ai passé ma vie à organiser la mort des gens. Toi, je veux organiser ta vie. Mécanique Résurrection, au ciné le 31 août avec Énergie. On dirait que les coins semblent maintenant ralentir le rythme. Ah, avec un... Oui, un nouveau changement en tête et un nouveau leader qui emmène maintenant la course. Un vrai coup de fouet, là, pour tout le groupe d'échappés. Le changement, ça donne de l'énergie. Alors, gaz ou électricité, changez aussi pour Poéo. Et profitez de la promo de bienvenue. Poéo, énergie positive. Hé, hey, c'est encore moi, Hip. J'ai entendu tout ce dont vous avez besoin pour la rentrée. Ça fait hyper beaucoup. Heureusement, dans votre hypermarché Carrefour, vous trouvez les meilleurs prix garantis sur des centaines de fournitures scolaires. Et si vous trouvez moins cher ailleurs, bam, on vous rembourse 5 fois la différence.

Capricorne, attention, n'en faites pas trop, levez le pied avant de basculer dans l'excès. Pour les Verseaux, le stress est palpable dans votre foyer et la moindre discussion embrase les esprits. Les Poissons, vous avez beaucoup de mal à fixer votre attention aujourd'hui. Les Béliers, une fois n'est pas coutume, vous manquez d'aplomb pour vous imposer au travail. Les Taureaux, une réorganisation de dernière minute vous oblige à changer tous vos plans. Les Gémeaux, certaines situations vous paraissent tellement injustes que vous n'hésitez pas à les dénoncer. Pour les Cancers, un climat chaleureux et sensuel règne dans votre vie amoureuse. Et puis enfin, pour les Lions, en couple, vous mettez sur pied un projet commun. Retrouvez l'horoscope de Serge Ducas sur la page Facebook du Réveil du Roi. Et vous avez vu comment elle vit l'horoscope à fond, hein? Ah bah oui, attends. Attends, on dirait une pièce de théâtre. Mais... attends, je suis pas bien, genre pour les poissons, là, ils sont pas concentrés aujourd'hui, je suis pas bien. Voilà. Ça m'énerve. Voilà, l'horoscope de Serge Ducas, donc, sur la page Facebook de l'émission, n'hésitez pas à le partager, parce que ça fait plaisir à Serge Ducas, ça nous fait plaisir à nous, et ça peut changer votre vie. Ouais. N'importe quoi. Kenza, bonjour! Bonjour. Comment ça va? Ça va super, et vous? Mais bien, Kenza, on va jouer au jeu des leftos. Attention, ouais. Le jeu des leftos, Kenza. C'est le drop game. Oui, tu possèdes déjà 4 cadeaux. Face à toi, 4 trappes qui correspondent à 4 propositions de réponse sur une seule question. À toi de placer judicieusement tes cadeaux sur les trappes pour ne garder que celui qui t'intéresse. Kenza. Kenza, t'as un canari? Nous jouons au jeu du drop game. J'ai entendu siffler. Moi aussi, un perroquet. C'est un perroquet, oui. Mon téléphone. D'accord. On joue au jeu du drop game. Alors, donc, comme tu l'as entendu et comme on te l'a expliqué, tu as en face de toi 4 trappes. Je vais déjà t'énoncer les 4 cadeaux que tu possèdes. Le coffret Blu-ray de 2 films Blanche-Neige et Le Chasseur, avec aussi l'autre film Le Chasseur et La Reine de Glace. Ça, c'est ton premier cadeau. Et un deuxième cadeau, c'est 4 accès parc attraction Walibi. Tu le possèdes déjà. Tu possèdes également la compilation Extravagance Summer 2016 et aussi le DVD fascinant et puissant sur la vie et la carrière de Ronaldo, le footballeur. D'accord? Alors, quel est le cadeau qui t'intéresse? Qu'est-ce le plus, Kenza? Les 4 accès à Walibi. D'accord. Donc, c'est ça qu'il faudra mettre sur la bonne réponse, alors, hein, puisque sur la bonne trappe. Attention, commandant, on y va? D'accord. Donc, je vais demander la question plus les 4 propositions. Ça fait croire. Les propositions sont Cancer, Scorpion, Balance ou Lion. Et la question est... quel est le signe astrologique d'Olivier Duroy? D'accord? Maintenant, tu vas avoir 45 secondes pour placer tes cadeaux sur les trappes. Et forcément, le cadeau qui correspondra à la bonne proposition, c'est le cadeau que tu garderas. Les 3 autres, il faudra les laisser tomber. Ok, Kenza? J'ai pas compris. Oui, mais c'est pas grave. Tu as 4 trappes devant toi et tu as 4 cadeaux. Tu vas mettre un cadeau sur une trappe. Quel est mon signe astrologique d'après toi? Attention, alors qu'est-ce que tu mets sur la case Cancer? Est-ce que tu mets le coffret, les places au Walibi, la compilation ou le DVD? Je vais dire compile. La compile. D'accord, la compile. Qu'est-ce que tu mets sur Scorpion? Le DVD, les 4 accès, le coffret? Dépêche-toi. DVD Ronaldo. Le DVD sur Scorpion, ok. Qu'est-ce que tu mets sur Balance? Les 4 accès ou le coffret? Je vais mettre Blanche-Neige. Blanche-Neige, donc le coffret sur Balance. Et forcément, on laisse à ce moment-là les 4 accès sur Lion. On va vérifier ensemble, les trappes vont s'ouvrir. On va savoir quel cadeau. Ça stresse. C'est stressant. C'est un signe d'Olivier. Les trappes. Et la bonne réponse était Cancer. Tu repars avec la compile. C'est bravo, bravo. Ouais. Bon, écoute, voilà, tu repars avec la compile. Tant pis pour les places Walibi. Bah oui, je suis Cancer. Donc, en fait, il fallait que si Cancer t'intéressait, enfin, si les 4 places Walibi t'intéressaient, il fallait le mettre sur Cancer. C'était ça la bonne réponse. En tout cas, tu repars avec ta compile. Tu repars pas sans rien, c'est bien. Ouais, c'est super. On te fait plein de gros bisous. Qu'est-ce qui te met de bonne humeur le matin, ma belle? Le Réveil du Roi. Vous pensez être plus fort que notre gagnant du jour? Inscrivez-vous maintenant. Envoyez cadeau, KDO, au 78. 1 euro par SMS envoyé et reçu. Mmh. essais. Tu crois que j'en fais trop? On peut tous glisser, y'a que Dieu qui sait. Je me dis quand j'en sais trop. Ils m'ont fatigué, sont pleins de sales idées, font que m'analyser. Moi je tiens toujours ma parole. Oh non, non, non, non, non. Ils m'ont fatigué, sont pleins de sales idées, à trop m'analyser. Moi je tiens toujours ma parole. Toujours ma parole. Vas-y, laisse les parler, vas-y, laisse les faire. Moi je vais pas m'en aller, je vais pas me laisser faire. Je traîne plus dans vos soirées, j'en ai rien à faire. J'ai des potons mal parés dans de sales affaires. Mon marche à la parole, je sais que ça les dérange. Pas de bluff, pas d'effet. On est comme on est. Crois pas que j'en fais trop. On est les mêmes en vrai. Je regarde trop la télé. On a d'autres défauts. Ils m'ont fatigué, font plein de sales idées, font que m'analyser. Moi je tiens toujours ma parole. Oh non, non, non, non, non. Ils m'ont fatigué, font plein de sales idées, à trop m'analyser. Moi je tiens toujours ma parole. Toujours ma parole. Vas-y, laissez parler. Vas-y, laissez faire. Moi je vais pas m'en aller, je vais pas me laisser faire. Traîne plus dans vos soirées, j'en ai rien à faire. J'ai des potons mal parés dans de sales affaires. Nous on marche à la parole. Je crois qu'ils m'ont pris pour un autre. Je peux rien faire, c'est pas ma faute. Ça parle et ça rigole. On tient nos promesses de parole. Et qu'est-ce que ça peut te foutre? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Où on va d'où on vient? Où on va d'où on vient? Rien à faire, je trace ma route. Je marche à la parole. Vas-y, laisse-les parler. Vas-y, laisse-les faire. Moi, je vais pas m'en aller. Je vais pas me laisser faire. Je traîne plus dans vos soirées. J'en ai rien à faire. J'ai des potons mal parés dans de sales affaires. Nous, on marche à la parole. Je sais que ça les dérange. Trop dur, tu vas rester poli s'il te plaît. Kaigo, c'est dans la suite des hits. On parlera des coucous du jeudi parce que c'est le retour des coucous du jeudi. Et ce sera quel jour? Bah, ce sera jeudi, non? Bah oui, bien. J'ai... Ah, génial. Ah, j'ai failli l'avoir. On jouera avec les enfants et le jeu des 5 mots également dans un instant. Et puis, on a 10 fois votre salaire à vous offrir. Yeah. Vous voulez repartir avec 10 fois votre salaire? Je sais pas, moi, faire rêver vos enfants, par exemple, les envoyer au parc le plus féerique d'Europe à Marne-la-Vallée. Je sais pas, moi, vous avez envie de partir en vacances avec eux. Vous avez envie de, je sais pas, moi, d'offrir une voiture. Pourquoi pas d'offrir une voiture à vos enfants ou de vous offrir une voiture? Ouais. Ça peut être pas mal. Parce que forcément, si on fait 10 fois son salaire sur ce genre de salaire, si imaginons vous gagnez 1 500 euros, ça fait quand même 15 000 euros. 15 000 ouais. Sur une bagnole, c'est quand même pas mal. Si vous voulez repartir avec ça, vous envoyez salaire par SMS au 78. Salaire au 78, c'est 1 euro par SMS envoyé et reçu. À vous de jouer maintenant. On sélectionne quelqu'un avant 10h et c'est quelqu'un, ce sera vous. Hier, on a posé une question sur le Facebook. On a posé une question. Êtes-vous accro aux réseaux sociaux? Oui ou non? Alors, il y a 80,3% de personnes qui sont totalement addictes, qui ne peuvent pas vivre sans. Et vous êtes seulement 19,7%, hein, vous n'êtes pas beaucoup à vouloir rester libre et sans les réseaux sociaux. Ah ouais, je trouve ça dommage. Mais en même temps, réagissez, hein, c'est sur la page Facebook Le Réveil du Roi. Il est 7h30, c'est Le Réveil du Roi que vous écoutez, vous avez raison. L'info avec Aurélie Adam, bonjour. Bonjour, bonjour Olivier, bonjour Bérénice. On vous le rappelle, il est important de bien attacher vos enfants en voiture. D'après une étude de l'IBSR, seul un enfant sur trois est attaché correctement lors du trajet vers l'école. Plus inquiétant, un enfant sur huit n'est pas du tout attaché en voiture. Il faut savoir que 41% des jeunes impliqués dans un accident de la route le sont sur le chemin de l'école. Ces accidents, ils se produisent surtout en fin de journée et ils augmentent au fil de la semaine. Les enfants sont principalement passagers de voitures. voiture ou piéton. Les ados sont quant à eux surtout impliqués en tant que cyclistes. Le plan anti-radicalisme sera renforcé dans les écoles. La ministre de l'Éducation a décidé de multiplier par 6 le nombre d'agents prêts à intervenir. Ils seront 12 à l'avenir. Leur rôle est d'accompagner et de soutenir les professionnels de l'enseignement confrontés à la problématique du radicalisme. Ils sont en lien avec la police, les services d'aide à la jeunesse ou encore avec les parents. L'année dernière, 24 cas ont été traités au sein de nos écoles. Patrons et syndicats ont fait leur rentrée. Hier, le groupe des 10 a repris ses discussions à propos de la réforme du marché du travail. Une réforme voulue par le ministre de l'économie, Chris Peters. Pour l'instant, aucun accord n'a été trouvé. Une nouvelle réunion est prévue aujourd'hui. En sport, en tennis, Elise Mertens et Alison Van Uytvanck ont été éliminées au premier tour de l'US Open hier. De son côté, Steve Darcy s'est qualifié pour le deuxième tour. Après avoir perdu les deux premiers sets, le Belge a battu l'Australien Thompson en 5-7 au bout de plus de 4 heures de match. Au prochain tour, Darcy affrontera l'Américain Isner. Aujourd'hui, 3 Belges entrent en lice. Kirsten Flipken s'affronte la Roumaine Alep. Yanina Wickmayer joue face à l'Allemande Goerges. Et puis, David Goffin sera opposé à l'Américain Donaldson. Enfin, en football... Non, Donaldson, ça me fait penser à... À Donald. J'étais sûre que t'allais faire ça. Bon, en football, les Diables Rouges ont repris l'entraînement hier. Il s'agissait du premier entraînement pour le nouveau coach national, Roberto Martinez. Il était assisté par le Français Thierry Henry. Nos Diables se préparent à huis clos aujourd'hui. Rappelons qu'ils affrontent l'Espagne ce jeudi en match amical, un match qui aura lieu au stade Roi Baudouin. Tiens, après Donaldson, c'est... Comment il s'appelle ? Mickey ? Non, Martinez. Martinez ? Est-ce qu'aujourd'hui je vais pouvoir ressortir mon monoeil? Il en peut plus là, ça y est. Oui, tu vas pouvoir le ressortir puisque le temps sera généralement sec et ensoleillé avec des températures comprises entre 21 et 25 degrés. Quand il fait beau, le temps, je le fais rentrer par mes magnifiques châssis Bellisol. Et quand il fait vraiment beau, il peut même entrer par ma sublime porte Bellisol. Bellisol. Standing in the cold and the frozen wind, I'm leaving you behind, but it's not the end. No, no, no. Walking on a plane as I hold my breath, it's gonna be weeks till I breathe again. No, no, no. I know that you hate it, and I hate it just as much as you. But if you can brave it, I can brave it all for you. Call me anytime you can see the lightning. Don't you feel alone, you can always find me. We got a wild love, raging, raging. Lost among a million changing faces. Every day our hearts keep trading places. We got a wild love, raging, into hotel loneliness. It's not what I've been used to, I confess. I wake up 3 times a night. Talking to a stranger is nothing new. She knows how to smile but not like you. So I wait for you all night. I know that you hate it, and I hate it just as much as you. But if you can brave it, I can brave it all for you. Call me anytime you can see the lightning. Don't you feel alone, you can always find me. We got a wild love, raging, raging. Lost among a million changing faces. Every day our hearts keep trading places. We got a wild love, raging, raging. to see the lightning. Never feel alone, you can always find me. We've got a wild love region, Ça te dit une petite soirée pyjama? Mais volontiers. Et ben voilà, et ben on va se répéter une soirée pyjama. On va jouer dans quelques minutes au jeu des 5 mots avec les enfants, histoire de gagner cette fameuse soirée pyjama avec toute l'équipe du Réveil du Roi. On n'a pas encore vu Jérém en pyjama, ni toi d'ailleurs. Non. Je mets pas de pyjama. Tant pis, tu mettras un short, un truc pareil, mais tu viendras en pyjama, tu achèteras un pyjama, c'est pas grave. Bon, est-ce que tu portes là aujourd'hui, c'est pas un pyjama? Bah dis. Non, c'est une chemise de bûcheron, ça. Voilà. Galantis, c'est la suite des hits, c'est dans un instant sur Énergie. Merci d'être là. Et puis alors jeudi, c'est les coucous du jeudi, le grand retour des coucous du jeudi. Vous serez là en studio avec nous, histoire de venir faire la fête. Alors je t'explique le concept, Bérénice, c'est simple. On ouvre la porte du studio, d'accord, et les auditeurs peuvent venir ici partager une heure et demie d'émission avec c'est nous. Génial. Et, histoire de faire la fête. Alors il y a juste un petit truc, c'est qu'on est gourmand et on demande qu'ils ramènent une spécialité de leur région. Si vous venez de Nivelles, ramenez-nous une tarte à l'jot, quelle goûte la tarte à l'jot. Si vous venez de la province du Luxembourg, s'il vous plaît, ramenez-nous un pâté gommet. Quelle goutte le pâté gommet. Et les boulets de Liège. Si vous venez de Liège, ramenez les boulets de Liège. Mais il y a plein d'autres choses. Les gaufres. Liège. Il n'y a pas que les gaufres. Enfin, y a le péqué. De... Ah oui, ramenez du péqué. Ramenez du péqué. Et d'où que vous veniez, ramenez-moi du boudin. C'est vrai que t'adores le boudin. J'aime bien le boudin. À tous les parfums. J'en ai goûté du provençal. Ouais, et je m'avais fait goûter au miel, je crois, ou au pain d'épices. Ah non, pas du tout, c'était à l'orange. Ah oui, à l'orange. Non, à la mandarine. À la mandarine, c'est vrai. Du boudin au pain d'épices. À la base, c'est fille, c'est pas possible. En plein après-midi, il me fait attends, viens voir, il faut que je te montre un truc. Il m'ouvre son bonnet, il fait attends, goûte. Il me fait goûter plein de sortes de boudins. C'est aux anges. C'était, ça voulait dire quelque chose. Le studio est à Bruxelles. Oui, alors le studio est à Bruxelles. Pour vous inscrire au coucou du jeudi, comment ça se passe? Eh bien, vous envoyez tout simplement un mail à réveil@energie.be, tout simplement. Sur energie.be. Vous connaissez l'histoire de ce kiné qui s'est fait un tour de rein? Ou celle de cet anesthésiste qui s'est fait piquer par une mouche CC? Ou celle de cet acupuncteur qui a perdu ses aiguilles dans une botte de foin? Non, c'est normal. Vous avez mieux à faire qu'imaginer le pire pour votre cabinet ou pour votre officine. Moi, c'est mon métier. Alors, passez me voir et effectuons un check-up de vos assurances professionnelles. J'ai plein de conseils à vous donner. Pour maintenant et plus tard, votre agent d'assurance CBC. Anticipez pour mieux faire avancer les professions libérales. CBC, décidez d'avancer. Chez Beiz, le Samsung Galaxy S7 Edge est à un prix tellement avantageux que vous oubliez parfois de l'apprécier à sa juste valeur. Allez, quoi, me faire ça à moi, son propre smartphone. Le week-end dernier, en festival, il me pose dans l'herbe, puis il vient mettre sa bière sur mon écran, comme si j'étais un sous-verre, quoi. Oh, j'ai plus encore la chope. Beiz vous fait tourner la tête. Maintenant, 150€ de réduction sur le Samsung Galaxy S7 Edge à partir d'un abonnement Beiz 30 Smart. Infos et conditions sur beiz.be. Go Mobile. Beiz. Avec ces nouvelles chaussures Brentano, votre enfant fera fureur à la récré. Non seulement elles sont super cool, mais elles sont aussi hyper confortables. Et notre scan des pieds en 3D sait exactement quelle est ta pointure et combien de temps tu la porteras. Ainsi, maman aussi est contente. Ce n'est pas tout. Jusqu'au 4 septembre, profitez de 15% de réduction sur toute la collection enfant. Infos et conditions, brentano.be. Oui, c'est le moment de leur dire oui. Oui à Disneyland Paris. Réservez pendant les jours du oui avant le 29 septembre pour bénéficier de jusqu'à 30% de réduction sur votre séjour. Et en plus, le séjour est gratuit pour les moins de 12 ans. Réservez chez Jet Air Center, votre agent de voyage ou sur jetair.be. This is Drake. This is Rihanna. I hope you can take it off. I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand. Music only. Rue, avenue, chaussée, boulevard. Vous avez le choix, comme chez Cora. Ou chez Cora. Énergie. Infotrafic. Il y a des ralentissements en direction de Bruxelles sur le 411. Vous perdez 11 minutes entre Willaert et le Carrefour Léonard. T'as entendu, elle a dit aïe aïe aïe. Elle redit ou pas? Non. Je croyais qu'elle allait redire aïe, aïe aïe aïe aïe. Elle a plus mal. D'accord. Bon, dans un instant, Maître Gims, ça vous dit? Ah bah non. Oui, carrément. Ah bah oui. C'est dans un instant. Sur Énergie, on peut poster, je vais poster la photo de Maître Gims. J'ai rencontré Maître Gims. Mais c'était pas lui. Le sosie de Maître Gims. Où c'est que j'ai mis mon téléphone? Je vais vous poster la photo de Maître Gims. Je suis allé au parc le plus féerique d'Europe, à Marne-la-Vallée. Là-bas, j'ai rencontré Maître Gims. Alors tout le monde me dit que c'est pas lui. Vous allez. Oui, il est certain que c'est lui, en fait. On essaye de lui dire depuis une semaine, mais il dit non, c'est lui. Tu lui as demandé de chanter? Non, je lui ai pas demandé de chanter. Bah voilà, fallait. Moi, je voulais savoir si tu l'avais entendu chanter. Ah non, pas du tout. Il passait le balai là-bas. Bah, c'était pas lui. Il passait le balai. Oui. Tu crois que Maître Gims va passer le balai? Bah, j'en sais rien. Écoute, bah oui, le week-end pour s'amuser. Peu importe. Merwan est là, comment ça va, Merwan? Ça va bien. Ça va, Merwan, t'as quel âge? 10 ans, t'habites à Liège, on va jouer au jeu des 5 mots dans un instant, Merwan, pour tenter de repartir avec une soirée pyjama. T'aimerais bien qu'on fasse une soirée pyjama chez toi? Oui. Ça te ferait plaisir, t'inviterais des copains? Bah, tu peux, hein. T'as une petite copine, Merwan, ou pas? Non. Non? Tu veux faire un petit coucou à quelqu'un? À Debbie, ma sœur. D'accord. C'est tout? D'accord. Merwan, c'est simple. Pour le jeu des 5 mots, on va demander à Bérénice de sortir. Allez, je sors. Tu sors du studio. Elle sort du studio, elle n'entend donc rien du tout. Pendant ce temps-là, je vais te donner 5 mots. Après chaque mot, tu me redonnes la première chose qui te vient à l'esprit, d'accord? Ensuite, Bérénice reviendra, je fais la même chose avec elle. Elle fera exactement la même chose. Et puis alors, elle me dira les mots qui lui viennent à l'esprit. Et donc, à chaque mot que vous aurez en commun, il y aura une roulette qui se déclenche et ça te donnera des points, d'accord, mon bon? Oui. Allez, Merwane, voici les cinq mots. Je te dis fraise. Tu me dis Numéro. Numéro ? Non, il a compris 13, je crois. Non. Fraise. Fraise. Ah, fraise. Oui. Fruit. D'accord. Mayo. Sauce. Sauce. Ah oui, mayo. C'est comme un maillot de bain. Sauce, ça marche aussi. Glace. Froid. D'accord. Ciel. Bleu. Oui. Radio. Énergie. Bien joué. On va chercher Bérénice. On va chercher Bérénice. Bérénice revient et elle nous donne, elle fait exactement la même chose. Et à chaque fois qu'elle a la même réponse que toi, d'accord ? Il y a la roulette qui se déclenche et ça te donne des points. Attention, Bérénice, c'est parti. Voici Allez. Le premier mot. Fruit. Pardon, fraise. Merde, je suis con. Fruit. Trois. Ça te fait déjà 3 points. Grâce à moi, tu peux me dire merci. Tu peux me dire merci, Merwane. Merci. Je te dis mayo, Bérénice. Ketchup. Non. C'était sauce. Oh, j'ai hésité. Glace. Fraise. Non, c'était froid. Oh. Ciel. Étoile. Non, c'était bleu. Radio. Énergie. Ouais. Ouais. Yes. Yes. Yes, yes, yes, yes, yes. Combien de points ? 5. 5 points, 5 plus 3, 8. Ça te fait 8 points, Merwane. Bravo. Ouais, je suis content. C'est sympa. Écoute, pour l'instant, t'es en tête. Et pour l'instant, c'est toi qui as la soirée pyjama. Il y a encore des candidats qui vont repasser. En tout cas, jusqu'à vendredi pour tenter d'accéder à la finale. Merwane, c'est qui le meilleur ? C'est moi. On casse ta porte, c'est la Gestapo. Je vais te retrouver, me guicolambo. Ça veut vendre des tonnes à la Gustavo. Un café sans sucre, j'en ai plein sur le dos. Et ouais, ma puce, là, tu me rambo. Ça va faire 6 ans qu'on met des combos. Je manie les mélos, ouais, oui, voilà, non. Tu te demandes si c'est pas un complot. Oh les mains, sauf les mecs, ça fait en bas les mains. Bas les mains, bas les mains. Ça roule façon Aladdin. Oh les mains, sauf les mecs, ça fait en bas les mains. Bas les mains. Ça roule le façon Aladdin. Passe avant minuit. Je vais te faire vivre un dream. Avant sur la piste, les yeux sont rivés sur toi. Les habits qui brillent, tels les mille et une nuits. Paris est vraiment ma. Ça fait comme jamais. Ça fait comme jamais. Apprécie mon parcours. Kende Katako, sale petit coquin des cocus. Quand elle m'a vu, elle t'a plaqué. Ferai Kamo, pour deux crocos sur la chaussée. J'suis congolais, tu vois, j'veux dire. Normatisé, maître Gims m'a convoitisé. Charlie Delta localisé. L'embilasso focalisé. Tapé comme Chacha, Chama. Dorénavant, j'fais des jaloux. J'avoue, je vis que pour la victoire, un Messi. La concurrence à ma vessie. Loubouzano et Hermès. Vite ton sac, j'veux la recette. Passe avant minuit. Je vais te faire vivre un dream. Avant sur la piste, les yeux sont rivés sur toi. Les habits qui brillent, tels les mille et une nuits. Paris est vraiment ma. Ça fait comme jamais. Sana Baza, Libreville Abidjan, Yaoundé na Douala, Bamako na Dakar, Stani Saint-Eo, Medjik na Darcyé, Bilou na Demdemo, Djuna Djana na Ça fait comme jamais. comme jamais. C'est le ballet. Mais à c'est Paris. Pas possible. Mais je te jure. Tu lui as demandé de chanter? Bah non, j'ai pas demandé de chanter. Voilà. Bah, je viens de mettre la photo sur le Facebook de l'émission. Regardez, eh, franchement, c'est pas Maître Gims, ça? Non. À part les lunettes de soleil. Mais non. Allez, dites ce que vous en pensez sur la page dire, Facebook ouais. de l'émission. Moi, je suis sûr d'avoir, persuadé d'avoir rencontré Maître Gims. J'ai fait une photo avec lui. Rendez-vous sur la page Facebook de l'émission, la page de Réveil du Roi. Et sur cette même page, on vous pose une question. Est-ce que vous êtes accro aux réseaux sociaux? Ça a un petit peu changé. Vous êtes 79,1 cette fois. Alors, il y a un peu plus de personnes qui ne sont pas accro. Voilà. 79,1 qui sont totalement addicts contre 20,9% qui sont totalement libres. Ah ouais, bah on en parlera. Tout à l'heure, en tout cas dans l'émission, si vous voulez réagir avec nous, 30-18 par SMS. Et justement, en parlant de réseaux sociaux, alors vous avez vu, Snapchat, c'est en train de devenir un truc de fou. Ouais. C'est énorme, l'application. Et d'ailleurs, connectez-vous à notre Snapchat, oui. C'est... Le Réveil du Roi. Avec un Y en un mot. Tout allez, attaché. Donc tout le monde s'y met, c'est devenu un peu la cible des autres applications, hein. Tout le monde là dans la ligne de mire. Instagram, je ne sais pas si vous avez vu, a lancé une story. Oui, c'est un petit peu comme Snapchat. Ouais. Exactement. Et aux États-Unis, c'est autour de Facebook. Donc le 19 août, Facebook a lancé LiveStage. Donc c'est un réseau social pour contrecarrer Snapchat. Alors ça ressemble beaucoup à Snap, sauf que c'est un petit peu moins bien. En fait, tu peux poster que des vidéos, pas de photos. Et en fait, elles sont forcément publiques. Donc t'oublies la confidentialité, voilà, tout est public et attention. Oui, mais et comme Instagram. Non, Instagram, tu peux rendre ton compte privé. Ah oui, d'accord. Ah, bah, oui. Et certaines personnes sont carrément exclues de ce réseau social. À votre avis, qui? Nous dans le studio, on serait exclus. C'est vrai? Ouais. Les personnalités? Non. Je ne sais pas. Les Belges? Non. Les moins de 21 ans. Ah là là. C'est là, nul, là, hein? Là là, c'est nul. Hit a wall right now. I need a miracle. Hurry up now. I need a miracle. Stranded, reaching out. I call your name, but you're not around. I say your name, but you're not around. I need ya, I need ya, I need you right now. Yeah, I need you right now. So don't let me, don't let me, don't let me down. I think I'm losing my mind now. It's in my head. Darling, I hope that you'll be here when I need you the most. Keep on living for today. There's gonna be no way, no say. So give up on you now. 'Cause I want. to get up on myself. I can find a way to hide all the dreams I fell so far. Bonne humeur, le réveil du roi, c'est partout en Belgique. Olivier Duroy vous réveille sur Énergie. Tiens, il y a Bérangère qui nous demande si on peut lui passer un titre de Sixpence None the Richer, Kiss Me, tu te souviens? Ah oui, c'était, allez, pour ceux qui ont connu Dawson. Dawson, ouais, ah j'adorais. Oui, c'était génial. Voilà, ça vous dit qu'on se le réveille? Ah, ouais. Ah oui. Allez, on va te le mettre dans moins de 20 minutes dans le réveil du roi sur Énergie. Le réveil du roi, 6h-10h ouais. Sur Énergie. Et si vous voulez demander vos titres, allez-y, hein. La page Facebook de l'émission, la page de Réveil du Roi. You're listening to the best radio, it's exactly 8 o'clock. 8h, les titres, avec Aurélie Adam, bonjour. Bonjour, il est important de bien attacher vos enfants en voiture. D'après l'IBSR, seul un enfant sur trois est attaché correctement lors du trajet vers l'école. Il faut pourtant savoir que 41% des jeunes impliqués dans un accident de la route le sont sur le chemin de l'école. Il n'y aurait pas eu de départ de Belges vers la Syrie cette année, c'est ce qu'affirme le procureur fédéral Frédéric Van Leeuw. Il précise que la plupart des départs ont eu lieu en 2014 et en 2015. En sport, en tennis, Elise Mertens et Alison Van Hooydonk ont été éliminés au premier tour de l'US Open hier. De son côté, Steve Darcy s'est qualifié pour le deuxième tour. Il a battu l'Australien Thompson en 5-7. Aujourd'hui, on a trois Belges en lice. Kirsten Flicken s'affronte la Roumaine Alep. Yanina Wickmeyer joue face à l'Allemande Görges. Et puis, David Goffin sera opposé à l'Américain Donaldson. Et la météo. Un temps sec et ensoleillé aujourd'hui avec des températures comprises entre 21 et 25 degrés. J'adore le soleil, j'adore comme il nous invite à profiter du jardin. Et j'adore surtout comment mes châssis Bellisol gardent bien dehors le bruit infernal de la tondeuse. Avec Bérénice. Hello tout le monde. Avec Jérémy du Standard. Bonjour. Le commandant. Bonjour. Aurélie de la Rédac. Coucou. Et Oli, comment ça va? Comment ça va bien? Ça va bien, ça tout va le monde. Vous aussi, vous allez bien? Ouais. On vous file 10 fois votre salaire. Si vous avez envie de repartir avec 10 fois votre salaire, ne pensez pas que ça arrive qu'aux autres. C'est peut-être sur vous que ça va tomber aujourd'hui. C'est peut-être vous qu'on appellera tout à l'heure en fin d'émission. Si vous voulez repartir avec ça, avec 10 fois votre salaire et être le sélectionné du jour, vous envoyez salaire par SMS au 78. C'est 1 euro par SMS envoyé au reçu. On connaîtra le grand gagnant le vendredi 16 septembre à 7h45. Mais le sélectionné du jour, ce sera peut-être vous. Puggy dans un instant. La petite Emma qui débarque. Il y a plein de nouveautés dans cette émission et vous allez voir, la petite Emma, elle a 5 ans. Elle va nous rejoindre dans un instant. D'ailleurs, elle va bientôt rentrer à l'école. Comment on va faire? Ah ben, on verra. Elle sera avec nous en tout cas. Et puis on jouera. Alors, restez avec nous parce que dans moins d'un quart d'heure, il y a le jeu du commandant et c'est du lourd, je peux vous le dire. As the day will come to shore and wash me up at your front door, never knew you'd take me back. Now it seems if all too clear, funny how this works, my dear. Only dawn could bring me back. J'adore Bob Sinclair, je l'adore aussi. C'est dans un instant. Et puis alors, on va jouer au jeu du commandant dans un instant. Franchement, restez avec nous parce que ça vaut la peine. Et puis de toute façon, si vous avez regardé un petit peu la série Dawson, c'était dans les années 90, oui. C'était 2000, non? Oui, ouais, entre... ouais, ouais. 90, 2000. Ouais, ça a fait la transition. Entre... 90, ouais. Ouais, et ben il y avait c'était le générique, c'est ça? Oui. Sixpence None the Richer. Oui, c'est ça. On peut écouter un petit extrait, commandant, s'il te plaît? Oh, non, oui. C'est allez, tantôt. C'est non, mais tantôt, on l'écoutera, mais un petit extrait déjà, moi, bon. Allez, s'il te plaît. Allez, un petit. Ouais. Oui. Voilà. C'était vraiment un petit, là. C'était. Je te m'as demandé un petit. Une cahouette. Allez, alors, un petit peu plus long, quand même. Un petit peu plus long. Ouais. Voilà. Kiki. Génial. Bon, la petite Emma est avec nous. Bonjour, petite Emma. Salut. Comment ça va? Ça va. Ah, t'es toute sourire. Mais moi, ça me fait plaisir de te recevoir ici dans l'émission. Mais le chocolat, il est pas bon. Quoi, le chocolat du... Non, il est dégoûtant. Mais t'arrêtes pas de te plaindre, dis donc. Non. Bon, t'as appelé quelqu'un? Oui. Ouais. T'as appelé quelqu'un parce que ça coulait de partout. Oui. Il y avait de l'inondation chez toi? Bah oui. Et donc, t'as appelé un supermarché? Pour maman. On écoute. T'es le pardon? Maman. Non. Maman. C'est qui? Bah, c'est moi, maman. Oui, mais c'est pas ta maman, tu sais. Mais comment... y a de l'eau de partout ici, maman. Il y a de l'eau partout ici? Oui. Et maman, elle travaille à ton magasin. Ah, et comment s'appelle ta maman? Maman. Non, ta maman s'appelle... Comment elle a un nom, ton maman? Maman. Non, oui, ta maman s'appelle maman. Maman. Oui, mais comment est-ce que toi, tu t'appelles? Moi, c'est Emma. Emma? Oui. Mais tu as quel âge, toi? Moi, j'ai 5 ans. Toi, t'es vieille. Oui, moi, je suis vieille. Mais je me demande si tu te fous de ma tête ou tu es vraiment non, Emma. Donne-moi maman, s'il te plaît. Parce que là, ça fait pipi partout, le robinet. Ça coule, maman. C'est où? Où est-ce que tu habites? À la maison. Et c'est où, la maison? Bah, c'est chez moi. Oui, chez toi, c'est où? À la pharmacie. Quelle pharmacie? À côté de la boulangerie. Quel est ton nom de famille? Emma. Non, et ton nom de famille? Emma. Non, et ton papa s'appelle comment? Papa. Ton papa s'appelle papa, ta maman s'appelle maman. Oui. Donc à la pharmacie à côté de la boulangerie. Et même que la boulangère, parfois, elle fait des petits cochons en pâte de sucre. Et c'est quelle boulangerie? C'est boulangerie Jacob? Toi, t'aimes bien les cochons en pain de sucre? Oui, j'aime bien les cochons en pain de sucre. Mais tu préfères les cochons ou les petites chenilles en pain de sucre? Qu'est-ce que tu fais là? Allô? Qu'est-ce que tu fais? Passe-moi le téléphone. Tiens. Mais enfin. Mmh. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, qui est à l'appareil? Non, moi je demande qui est à l'appareil, monsieur. Ah ben je ne sais pas, c'est vous qui appelez ou c'est la petite... Non, c'est votre fille Emma? Oui, c'est ça, oui. Votre fille vient de m'appeler, monsieur. Je suis gérante du Carrefour Market. Elle vient de m'appeler pour dire qu'il y a une inondation chez vous. Ou bien elle se fout de ma tête, ou bien c'est vrai. Elle s'appelle Emma et sa maman. Mais qui êtes-vous? Sa maman ne travaille pas chez moi, ou qui est la maman? Mais ou sinon, vous préférez les petits cochons en sucre ou les petites chenilles? Parfait pour les étudiants. Un PC portable qui se transforme facilement en tablette. Et vice-versa. Un portable avec clavier pour les cours, une tablette avec écran tactile pour le cote. Ou vice-versa. On peut aussi jouer dessus ou regarder des films. Et avec le stylet, on prend des notes directement sur la tablette. Ah, il a aussi un processeur super rapide. Ouais, plus rapide que toi en tout cas. Et quand c'est nouveau et c'est bien pensé... C'est chez Vandenborg. TV, multimédia, électro. Vandenborg, la confiance. Regardez vite sur vandenborg.be ou dans l'un de nos magasins. Tous vos hits sont sur la double compile Energy Extravadance Summer 2016 avec Erae Streffy, Galantis, Ken Jones, Jennifer Lopez, Moom, Kygo et beaucoup d'autres. Energy Extravadance Summer 2016 en vente sur energy.be et partout en Belgique. Jason Statham est de retour et reprend du service. J'ai attendu trop longtemps pour avoir ma revanche. Pour la sortie au ciné avec Energy de Mécanique Résurrection, Energy vous envoie dans la Cité d'Or. La personne que je représente a une offre à vous faire. Chaque mort doit avoir l'air d'un accident. C'est votre spécialité, non? Je ne fais plus ce genre de choses. Cette semaine, écoutez Marco et Wendy entre 16 et 19h et plongez dans l'univers du film à Dubaï. Energy vous offre vos tickets de ciné, le transport en avion depuis Bruxelles et vos 4 nuits à Dubaï dans un hôtel 4 étoiles. J'ai passé ma vie à organiser la mort des gens. Toi, je vais organiser ta vie. Mécanique Résurrection, au ciné le 31 août avec Energy. Bah ouais, le rythme de la course était fort, il y a eu cette échappée là, mais bon alors après on a réagi, hein, hop, et toute l'équipe, et voilà, on est en tête maintenant, c'est bien. Le changement, ça donne de l'énergie. Alors gaz ou électricité, changez aussi pour Poéo, et profitez de la promo de bienvenue. Poéo, énergie positive. Et si l'épargne était réinvestie à 100% dans l'économie wallonne? C'est le cas. CBC Banque Assurance. Décidez d'avancer. Mom! music only. Énergie. Infotrafic. Il y a des ralentissements en direction de Bruxelles sur le 40. Vous perdez 21 minutes entre Everlay et Saint-Stephen-Soluay. Sur le 400, comptez 23 minutes supplémentaires entre Overace et Auderghem. Et puis sur le ring extérieur, ajoutez 13 minutes entre Argenteuil et Huillart. Merci d'être avec nous, de nous accompagner. On a fait notre rentrée hier avec toute l'équipe qui est là. Et puis bon, on est juste super content de vous retrouver. Et vous êtes nombreux à nous envoyer vos messages sur le Facebook de l'émission, la page de Réveil du Roi. Ça fait plaisir. L'horoscope tout de suite, il est 8h16. Les Vierges, vous êtes prêts à saisir toutes les opportunités professionnelles qui se présentent à vous. Les Balances, votre gentillesse et votre générosité font mouche aujourd'hui. Les Scorpions, ne vous braquez pas. Si vous êtes en désaccord avec un supérieur, ça peut être dangereux, les Scorpions. Sagittaire, il vous faut rompre avec certaines habitudes qui ne correspondent plus à vos attentes. Les Capricornes, attention, n'en faites pas trop. Levez le pied avant de basculer dans l'excès. Pour les Verseaux, le stress est palpable dans votre foyer et la moindre discussion embrase les esprits. Les Poissons, vous aurez beaucoup de mal à fixer votre attention aujourd'hui. Les Béliers, une fois n'est pas coutume, vous manquez d'aplomb pour vous imposer au travail. Pour les Taureaux, une réorganisation de dernière minute vous oblige à changer tous vos plans. Les Gémeaux, certaines situations vous paraissent tellement injustes que vous n'hésitez pas à les dénoncer. Les Cancers, un climat chaleureux et sensuel règne dans votre vie amoureuse. Alors, Olivier, tu nous caches des choses. Les Lions, enfin, en couple, vous mettez sur pied un projet commun. Voilà, on joue au jeu du commandant. Retrouvez l'horoscope de Serge Ducas sur la page Facebook du Réveil du Roi. Et on joue au jeu du commandant avec Cyril. Comment ça va, Cyril? Ça va, Olivier? Ça va, Bérénice? Salut, ça va? Ça va très bien, et vous? Mais bien, bien. T'habites où, Cyril? À Tournai. Cyril, ouais. de Tournai, on va jouer au jeu du commandant dans un instant. Tu vas jouer soit pour la compilation Extravaganza Summer 2016, soit pour le coffret Blu-ray de films Blanche-Neige et Le Chasseur, plus Le Chasseur et La Reine des Glaces, d'accord? D'accord, ok. C'est quoi le jeu du commandant, commandant? Dans une contrée lointaine, vit un grand maître japonais. Maître Veil. Il a le pouvoir de tatouer à distance sur le front de n'importe qui. Aujourd'hui, il t'a choisi. Place au jeu du tatou Veil. C'est génial. Donc c'est le Maître Veil. On l'a engagé tout au long de cette saison. Il va tatouer sur ton front un... Ah, je peux déjà le dire, il va tatouer sur ton front un acteur. D'accord, Cyril? Oui, oui. Par tes questions, nous on va simplement répondre par oui ou par non et il faudra au moins en 40 secondes retrouver quel est l'acteur qui l'aura tatoué sur toi. D'accord? D'accord, ça va, ok. Donc Maître Veil, concentration. Tu prends les gens pour des cons. Pourquoi? Tu veux dire que le mec là, donc Cyril, pour l'instant de tournée, ouais. Il a un tatouage sur son front là? Non, pas encore. Pas non, encore, attends, il va se faire tatouer. Maître Veil va le faire. C'est vrai? Maître bah, Veil, oui. S'il vous plaît. Voilà. Maître Veil, il manque la couleur de cheveux, s'il vous plaît. Oui, non, non. Voilà, merci. Donc là, maintenant, Cyril a le nom de l'acteur tatoué. Enfin, l'acteur non, de. Non. Ouais, là, le nom de l'acteur. Le visage. Ah, le visage. Ah, c'est un truc de fou. Oh, et donc, Cyril, si, oui, t'as, oui. Si t'as un miroir devant toi, regarde pour savoir quel acteur. Bah non, il triche sinon. Il doit pas savoir. Vous prenez vraiment les gens pour des cons. Mais non. Attention, 45 secondes. Est-ce que tu es prêt? Oui, je suis prêt. Tu peux poser tes questions. Ok, est-ce qu'il est américain? Non, il n'est pas américain. Français? Non, non. Ouh, c'est compliqué. Belge? Oui, oui, oui. C'est un chanteur? Non, non, un acteur. On a dit un acteur déjà. Ah, un acteur, excusez. Il a chanté pour des films. Ah oui, oui, c'est juste. Ok. S'il fait de la radio? Non, non. À la télévision? Bah oui, des émissions, quoi. On le voit dans les films et puis de temps en temps il fait des émissions télé. Ouais. Est-ce qu'il est chauve? Non. Non. Bouclé? Un acteur belge. Non, il est pas bouclé. Bouclé belge? Non, je vois pas trop. C'est des noms de films, on sait jamais. Il y a des acteurs belges. Gamin! C'est quand même bien fait. C'est compliqué. Bah bon, oui, c'était facile, c'était Benoît Poulvorde. Ah, bah ouais. Le grand Benoît Poulvorde. Bon, Cyril. Oui. Bon, bah tu vas devoir rester toute ta vie avec le tatouage, du coup. Ah, c'est triste. Du coup, je suis désolé, t'as la photo de Benoît Poulvorde juste sur ton visage. Voilà, ouais, je vais avoir toute cette journée, je pense, au travail alors. Voilà, voilà. Allez, on t'embrasse, Cyril, à bientôt. Oui, à bientôt, allez, salut, hein. Demain, ce sera peut-être vous. Inscrivez-vous maintenant. Envoyez cadeau, KDO, au 78. 1 euro par SMS envoyé et reçu. Trailmarked on your father's map. Oh, kiss me. comme ça. Adèle débarque dans un instant sur Énergie. On va multiplier votre salaire par 10. On vous explique ça dans quelques minutes dans le Réveil du Roi sur Énergie. Et puis on parle des réseaux sociaux ce matin. Est-ce que vous êtes accro aux réseaux sociaux? Vous ne pouvez pas rester une journée, une heure, 10 minutes sans aller consulter votre profil Facebook, votre compte Snapchat, Instagram, Twitter ou tous les autres. Vous en faites vraiment une overdose. Ou alors vous adorez tout montrer de votre vie sur les réseaux sociaux. Dites-nous tout. On va en parler dans quelques minutes au 30-18 par SMS avec Kimberly qui est là. Bonjour Kimberly. Bonjour. Comment tu vas? Ça va et vous? Ça va, très bien. Alors réagissez à vous aussi, 30-18 par SMS, oui. C'est 25 centimes le message. Et puis sur la page Facebook de l'émission, la page Le Réveil du Roi. Sur la page d'ailleurs, on conclut les pourcentages. Vous êtes au final 78,6% à être totalement addict. Ah ouais. Contre 21,4% à être libre. Dans l'émission, Jérém du Standard. Non, pas addict, non. Non, t'es pas addict, non. Aurélie de la rédac. Coussi coussa. Oui, commandant, toi pas du tout. Alors, pas du tout. Moi, c'est pour le boulot, c'est vraiment pour la radio, pour être connecté avec les auditeurs. Ouais, toi Bérénice. Attends, je suis sur Instagram là. Bérénice, alors elle. Ah oui, moi, c'est accro. Mais c'est vraiment accro de chez accro. Accro, hein. Pas ouais. 10 minutes sans quoi. Ouais, je peux non, pas. Même le soir, j'arrive pas à me coucher. Et toi, Kimberly? Oui. Oui, et toi? Je vais dire accro comme tout le monde, quoi. Tout le temps, regarder sur Facebook s'il y a des notifications ou même avant d'aller se coucher. Alors, hein. Alors, je te donne des situations, tu vas me dire si oui ou non tu es connecté, d'accord? Okay. Au restaurant? Oui. Aux toilettes? Oui. Dans le train? Non, je prends jamais le train. D'accord. Oui, dans la voiture? Quelle bête question, Olivier. Oui. Oui. Au volant? Non. Ah d'accord. Ouf. Au lit avec ton chéri? Avant de s'endormir. Ah avant de s'endormir, en faisant l'amour? Non, quand même pas. D'accord. Ouf. Et t'es plus Facebook, Instagram, Twitter? Non, Facebook. T'as combien d'amis sur Facebook? Peut-être 200, 300. Alors on trouve que t'en as pas assez, on va donner ton nom à l'antenne. Non, ça va. Kimberly, on t'embrasse, qu'est-ce qui te met de bonne humeur toi le matin? Le Réveil du Roi. Allez, vous réagissez, 30-18. Elle avait de la motivation. Le Réveil du Roi. On t'embrasse, Kimberly. 30-18 par SMS pour réagir avec nous. Est-ce que vous êtes accro aux réseaux sociaux? 25 centimes le message. Nicolas dans quelques minutes, il va venir nous parler d'une application, ce sera Applique-toi sur Énergie, on ouvrira la ligne tout à l'heure. Vous pouvez déjà vous inscrire si vous voulez venir dire un petit bonjour, si vous voulez, je sais pas, venir souhaiter la bienvenue à Bérénice. On a un numéro gratos en plus, 0800 2 3 4 5 6. Donc si vous voulez non pas du tout. Si vous voulez passer à l'antenne tout à l'heure et passer le bonjour à quelqu'un, bah, sans problème les amis, 0800 2 3 4 5 6. Et puis je vous rappelle que pour fêter la rentrée du réveil du roi, on multiplie votre salaire par 10. Énergie vous offre 10 fois votre salaire. 10 fois votre salaire. Donc on prend votre salaire et on rajoute un zéro à la fin. Le salaire plus un zéro. Donc on rajoute un chiffre. T'imagines, pour la rentrée, c'est génial. Vous allez pouvoir être tranquille, peut-être repartir en vacances, prolonger vos vacances. Donc voilà, vous envoyez juste le mot salaire au 78. C'est 1 euro par SMS envoyé et reçu. Donc pour ce prix-là, juste vous pouvez multiplier par 10 votre salaire. Il y a un sélectionné par émission. Donc allez-y. La personne n'a pas encore été sélectionnée. Vous avez jusqu'à 10h. Donc vite, prenez votre GSM, envoyez un SMS. Et voilà, ce sera peut-être vous aujourd'hui. 8h30 sur Énergie, on s'informe avec Aurélie Adam, bonjour. Bonjour, bonjour Olivier, bonjour Bérénice. Attachez bien vos enfants en voiture. D'après une étude de l'Institut belge pour la sécurité routière, seul un enfant sur trois est attaché correctement lors du trajet vers l'école. Plus inquiétant, un enfant sur huit ne porte pas du tout sa ceinture en voiture. Sachez quand même que 41% des jeunes impliqués dans un accident de la route le sont sur le chemin de l'école. Les accidents sont plus fréquents à la sortie des cours et ils augmentent tout au long de la semaine. Les enfants sont principalement passagers de voiture ou piétons. Les ados sont quant à eux surtout impliqués en tant que cyclistes. Dans le dossier antiterroriste, le procureur fédéral l'annonce et il n'y aurait pas eu de départ de Belges vers la Syrie cette année. Frédéric Van Leeuw précise que la plupart des départs ont eu lieu durant ces deux dernières années. Le procureur tient à souligner que les progrès réalisés dans la lutte contre le terrorisme sont positifs, parmi eux l'autorisation des perquisitions de nuit. Nouvelle journée de deuil national en Italie. Les drapeaux seront en berne ce mardi à l'occasion des funérailles de certaines victimes du tremblement de terre survenu la semaine dernière. Un séisme qui a fait 290 morts dans le centre du pays. Près de 6500 migrants ont été secourus au large de la Libye hier. Des migrants qui se trouvaient à bord d'une quarantaine d'embarcations de fortune. Les gardes-côtes italiens qui ont coordonné les secours craignent une nouvelle affluence record aujourd'hui. En cause, les bonnes conditions météo qui rendent la Méditerranée moins dangereuse. En sport, en tennis, au premier tour de l'US Open, Elise Mertens et Alison Van Uytvang ont été éliminées hier. De son côté, Steve Darcy s'est qualifié pour le deuxième tour. Il a battu l'Australien Thompson en 5-7, un match qui a duré plus de 4 heures. Au tour suivant, le Belge affrontera l'Américain Isner. Aujourd'hui, trois Belges jouent leur premier tour. Kirsten Flipkens affronte la Roumaine Alep. Janina Wickmeyer joue face à l'Allemande Goerges. Et puis, David Goffin sera opposé à l'Américain Donaldson. Enfin, en football, les Diables Rouges ont repris le chemin de l'entraînement hier. Il s'agissait du premier entraînement pour le nouveau coach national, Roberto Martinez. Et oui, il était assisté par le Français Thierry Henry. Aujourd'hui, les Diables vont se préparer à huis clos. Ils affronteront l'Espagne jeudi en match amical, un match qui aura lieu chez nous au stade Roi Baudouin. Bon, Aurélie, j'ai le monoeil, je l'utilise ou pas aujourd'hui? Tu peux l'utiliser, puisqu'aujourd'hui, le temps sera généralement sec, on aura de très belles éclaircies et des températures comprises entre 21 et 25 degrés. On se retrouve à 9h avec d'autres infos. Quand il fait beau, le temps, je le fais rentrer par mes magnifiques châssis Bellisol. Et quand il fait vraiment beau, il peut même entrer par ma sublime porte Bellisol. Bellisol. Together, I ain't your mama. No, I ain't your mama. No, I ain't your mama. No, wake up, arise and shine.

Mais quelle couleur sont ses yeux? Je crois que c'est bleu. Comment ça fonctionne dans l'application? Bon, alors comment ça fonctionne, c'est très simple. L'application, vous allez prendre une photo. Donc, faut télécharger l'application qui est gratuite, j'insiste. Vous prenez une photo et après, vous avez la possibilité d'en faire une œuvre d'art. C'est vrai. C'est vraiment quelque chose qui est extraordinaire. Donc, vous avez vu des tableaux, hein, vous avez été dans des musées. Bérénice l'a déjà. Alors, je viens de la télécharger et c'est un truc de fou parce que la photo, on dirait vraiment que ça devient un tableau. C'est tellement bien travaillé. Regarde. Donc c'est ça la grande différence avec tout ce qu'il y avait comme application. Avant, on mettait des filtres. Donc vous aviez noir, blanc, plus foncé, etc. Ici, c'est vraiment... C'est vraiment transformé comme une œuvre d'art. Ouais. Et donc vous avez la possibilité en plus de choisir plus ou moins 30 styles d'art. Donc vous avez Van Gogh, vous avez Magritte, Picasso, etc. Il y a l'urban, il y a manga, il y a le cartoon, il y a la mosaïque. Et alors après, mais vous pouvez la poster sur votre Facebook. C'est vachement Instagram. Bien foutu. On va faire une photo, on va la faire. On vous met ça sur le Facebook de l'émission. Et alors on en parle très très peu parce qu'en Belgique c'est pas disponible depuis longtemps. Et il y a déjà dans le monde 8 millions d'utilisateurs. Et donc les auditeurs qui vont la télécharger maintenant seront probablement des tout premiers en Belgique. À l'utiliser. À noter également que c'est disponible sous Android et sur l'iPhone. Une cotation, une note sur 10? 10 parce que, voilà, Bérénice l'a dit, l'exemple. C'est génial. C'est génial, ouais. C'est gratuit et alors. Je pensais pas que c'était aussi bien. Voilà, et alors c'est. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Ce qu'il faut quand même retenir, c'est que le créateur est russe d'une ville à côté de Moscou qui s'appelle Brezhnev. Olivier Duroy et Bérénice, 6h-10h sur Énergie. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you. Baby, my heart could still fall less hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, honey, now take me into your loving arms, kiss me under the light of a thousand stars, place your head on my beating heart. I'm thinking out loud that maybe we found love right. C'est 21 Pilots qu'on va retrouver sur Énergie. Qu'est-ce qu'on est heureux de vous retrouver. Super. Ah oui, super. Il est 8h50, on ouvre la ligne. C'est la ligne ouverte. Vous appelez le 0800 234 56. C'est pas un numéro surtaxé, c'est un numéro gratuit, c'est nous qu'on paye. Oui. C'est avec notre socio qu'on a dans la poche. 0800 234 56. Vous nous appelez, vous arrivez à l'antenne maintenant. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un. Allô, qui est là, bonjour. Oui. Allô. Bonjour, quel est ton prénom? Vincent. Bonjour Vincent, tu veux dire quoi Vincent? T'arrives ici, tu dis ce que tu veux. L'antenne est à toi Vincent. Oui, je vous ai entendu tantôt dire des expressions belges, alors j'en ai une bonne. Ah vas-y, oui. Oui, par exemple, quand il y a un collègue ou quoi qui fait un travail ou même moi et qu'on a fait un boulot que... Et quand on a fini le boulot, ça revient au même que ce qu'on a fait, quoi. Tu me fais rire, Vincent, parce qu'on comprend rien, je comprends rien. Ah ouais, et on dit, on a tiré d'un semain et on l'a remis d'un semaron. Donc on a fait un boulot qui n'a servi à rien. Donc ça veut dire Ben que ça ne sert à rien, ce qu'on a fait, ben on peut le jeter à la poubelle, voilà. Exactement. Eh ben merci Vincent pour ton expression belge, tu m'as bien fait rire avec cette expression. J'arriverai pas à la redire. Hein. Mais si, tu peux. Il y a quelqu'un d'autre. Allô? Oui, allô? Oui, comment tu t'appelles? Véronique. Ça va Véronique? Oui, ça va bien, ça va bien. Toute timide Véronique. T'appelles d'où Véronique? Oui, en fait j'appelle de Boussy. Oh. D'accord. C'était pour souhaiter la bienvenue à Bérénice, déjà. Et Boussu, c'est bien connu en France pour Bérénice, pardon. Le Boussu de Notre-Dame. Véronique, tu veux dire quoi? Oui, vas-y. Ouais, non, c'est bien pour aussi vous remercier pour la journée qu'on avait passée chez vous. Oui. Parce que ça avait été une superbe journée, donc je vous ai tous vus, donc voilà, je vous aime tous beaucoup, et voilà. Ah bah écoute, nous aussi, on vous aime beaucoup, hein. C'est pour ça que je vous invite à la maison, hein. Voilà, on a je le referai. Franchement, je referai un truc à la maison parce que ça éclaté. Vaut la peine et cette fois-ci, on invitera d'autres artistes. Hein ouais, avec plaisir. Salut, ciao. 0802-3456. Vous arrivez ici à l'antenne, vous dites ce que vous voulez. Allô, qui est là? Bonjour. Bonjour. Quel est ton prénom? Enchanté, Glenn Quick, C-U-C, Quick, comme le beurre sont là avec les anges et les démons, tout ce que tu veux. Moi je suis impressionné par la voix féminine que vous avez dans vos studios, elle est juste extraordinaire. Eh ben c'est Bérénice. Ah bah merci beaucoup, ça fait plaisir. Voilà. Et ah ouais, je te paye une pizza quand tu veux. En fait j'en profite pour faire ma pizza. Ah bah écoute, avec plaisir, tu proposes quoi comme pizza? Ah bah écoute, je sais pas, qu'est-ce qui te ferait plaisir une telle saison comme ça? Plein de fromage plutôt, moi. Plein de fromage, ouais. C'est bon, c'est assez moins cher en plus. Ouais, c'est parti. C'est grandi. Elle est où ta pizzeria? Ah bah écoute, on peut faire ça au bord d'un lac à Genevelle si tu veux. Ah, il y a pas. D'abord si tu veux, oui. Ah, il tient pas une pizzeria, il tient pas une pizzeria, il invite à manger une pizza. Et puis en même temps, un petit morceau de guitare, si tu veux un petit avant-goût, tu vas sur YouTube, tu mets GLENCUIC. Attends, je note. GLEN. Ouais. CUIC. Au réveil. C'est Quick. D'accord, Glenn Quick. C'est ton nom, en fait, Glenn Quick. Ouais, voilà, c'est ça. D'accord. Eh ben, écoute, un dernier mot pour Bérénice. Et tu vas voir, hein, Eh ben, je vais aller voir, moi, je vais l'écouter. Today with my love, stay on the hearth. Comme ça, on peut manger un bout ensemble. Ah bah, pourquoi pas. Être amoureux, Ah bah, alors ça va être plus compliqué, mais pourquoi pas. On t'embrasse, Glenn Quick. En même temps, j'en profite pour encore faire une autre pub. Parce que j'ai un projet immobilier. Ouais. Qui sera destiné aux agences immobilières uniquement. D'accord. Et donc, parce que j'ai besoin de thunes, c'est la crise. Donc, ah bah, tu passes du sérieux au sérieux, dis donc. Après, j'ai encore un autre projet. Ah oui. Vas-y, allons-y, soyons fous, soyons dingues, hein. Ouais. L'éco-bio tour, le B, avec un petit R, c'est un cadeau pour l'État. Comme ça, on fait des potagers le long des autoroutes. D'accord. À la fin, mais on l'offre à l'État, comme ça, on finit pas comme Kennedy non plus. Tant qu'à faire. On t'embrasse, Glenn Quick. On roule la ligne quand vous voulez. 0800-2-3-4-5-6. Take it slow. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. All my friends are heathens. Take it slow. Wait for them to ask you who you know. The room of people who have rooms of people that they love one day docked away. Just because we check the guns at the door doesn't mean our brains will change from hand grenades. You love another psychopath sitting next to you. You love another murderer sitting next to you. You think I'd get here sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. All my friends are heathens, taking slow. just to stay away. And now they're outside ready to bust. It looks like you might be one of us. C'est avec Olivier Duroy. 6h-10h, le réveil du roi sur Énergie. Et dans un instant, la lettre à Bérénice, on a Hera et Strefi. Et le binôme qui débarque sur Énergie dans un instant. Toute l'équipe est là, ça va l'équipe? Oui. Vous écoutez le réveil du roi à Énergie et vous avez... raison. Il est 9h.